trop mal. Haroun, présent pour deux traumas. On s'impose tel quel, nous nous dégaines d'arnaqueurs. Pas le genre de gars à taper des faces d'acteurs. C'est pas ton grade qui me fera te sourire à la Colgate. Ça, ça marche au coup de cœur et des bites au compte-goutte. Par contre, j'rappe à toute heure sur n'importe quel beat. Sans tuteur, acquiert en douceur. Mille et une techniques, j'suis poseur. J'ai juste mes priorités. Le genre de jeune que les gens ont du mal à situer. Mais je n'ai rien à prouver, moi je ne cherche qu'à faire groover le beat. Je tiens pas en cage, j'suis fait pour trouver le but. Et quoi que t'en dises, il n'est plus le temps de débattre. Surtout que tu vois toujours bien dans le jardin des autres. Bizarre que t'aies tant de mal à t'occuper d'autres. Tu parles beaucoup mais à part ça, qu'est-ce que tu fais d'autre hein? Dis-moi, tu parles beaucoup mais à part ça, qu'est-ce que tu fais d'autre? Parce qu'à t'entendre parler, on croirait que la vie est rose comme au marais. Fais marrer, ça se voit que tu mets pas souvent les pieds dans ma rue. Enfoiré, tu pourrais me laisser crever à tes pieds. Et après tu viens philosopher ici comme si t'étais vieux. À t'entendre parler, on croirait que la vie est rose comme au marais. Fais marrer, ça se voit que tu mets pas souvent les pieds dans ma rue. Enfoiré, tu pourrais me laisser crever à tes pieds. Et après tu viens philosopher ici comme si t'étais vieux. C'est en forgeant que t'es devenu forgeron. Nous c'est en forçant les portes qu'on se renforce et que nos vies changeront. Pas le temps pour un bras de fer, t'es peut-être l'icône de la bravoure. En tout cas tu parles gros comme si les gens m'accueillent les bras ouverts. Donc laisse-moi faire, à chacun son parcours. Par contre si tu tiens à ton fils, dis-lui bien de sortir couvert. Ici c'est pas la foire à la saucisse hein. Pour sa sacoche, beaucoup seraient prêts à lui péter le coccyx. Mais ça c'est la vie, on n'est pas tous au diapason. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, chacun sa à sa façon, les chemins sont faussés, c'est pas toujours aussi facile. Toi tu parles de se ranger, ok, c'est sympa, mais après tu nous donnes à manger. Enculé, tu crois qu'on n'y a pas songé? Tout ça nous a rongé, nous n'y pense pas que les jours de congé. On a que ça des projets, tous les soirs on cogite. Mais vu qu'on est tous fauchés, alors rien cause tu au shit. Mais s'il te plaît, pourquoi t'ouvres ta bouche? Quand je sors un disque, est-ce que tu l'achètes? Non, alors ferme ta bouche. Parce que tu parles trop à mon goût. Et à t'entendre on a tout faux, y'a que toi qui tiens la vérité par le bon bout. On croirait que la vie est rose comme au marais. Tu fais marrer, ça se voit que tu mets pas souvent les pieds dans ma rue. Tu pourrais me laisser crever à tes pieds. Et après tu viens philosopher ici comme si t'étais pieux.